On est en compagnie de mon oncle Serge, iconoclaste, poète de la vulgarité. Bonjour mon oncle. Bonjour, monsieur. Donc, tu as rendu disponible sur Internet une chanson qui s'intitule Je ne voterai pas, qui est un manifeste abstentionniste en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à adopter cette position? C'est une excellente question. Ça doit être Je un ne sais pas cheminement, trop. j'imagine. Ben, en fait, faut pas prendre ça trop au sérieux quand même. T'sais, tu vois, dans la chanson, j'expose un point de vue abstentionniste qui correspond à une véritable tentation chez moi, là, comment dire, je te dirais que c'est moins une position politique qu'une espèce de volonté comment dire, de pas mettre l'épaule à la roue, tu sais, ou un refus, disons, de mettre l'épaule à la roue, de faire fonctionner le monde, la société, puis tout ça, puis de vraiment de faire pendre à part, tu sais, c'est une tentation chez moi qui omniprésente, puis qui est assez forte, puis que j'exprime dans cette chanson-là. Ceci dit, moi, quand j'écris des chansons, je suis pas, c'est pas le fruit nécessairement d'une réflexion politique profonde, puis tout ça, c'est très impulsif, en fait. Moi, j'ai eu le flash de faire cette toune-là, puis ça m'allumait de le faire, je trouvais ça le fun, puis je trouvais ça d'autant plus le fun qu'il y a une espèce dogme, je te dirais, qui est en vigueur dans notre société, à l'effet qu'il faut aller voter, puis on se retrouve faire la morale sur le fait que c'est donc important d'aller voter, puis ci, puis ça, puis bon, je suis un peu en réaction contre ça que j'ai fait la chanson, puis je t'avoue que quand je réponds, j'essaie de me sonder moi-même, tu sais, j'essaie de trouver pourquoi j'ai eu envie de faire cette chanson-là, puis tu sais, des fois, j'ai juste la flash de faire une toune, je la fais, je la garoche, puis après ça, je me pose la question pourquoi tel sujet m'a allumé, m'a motivé à faire une toune par rapport à tel ou tel autre. Puis quand je fais ma toune, je pense pas trop à ça, j'essaie de trouver des figures de style intéressantes, de trouver une façon élégante de présenter les choses, puis c'est après coup que, bon, je me demande un petit peu pourquoi j'ai fait cette chanson-là, quoi. Donc, à l'origine, c'est peut-être un peu l'idée de provoquer, peut-être, puis là, ça te conduit. C'est moins le fruit d'une réflexion philosophique là, profonde que le goût de provoquer peut-être une réaction. Ah, sûrement, oui. Tu vois, c'est comment dire, le genre d'affaire qui ferait en sorte que moi, tu sais, si j'entendais ça de quelqu'un d'autre, je me dirais, hein, voyons. Puis en même temps, c'est intéressant, justement, d'avoir des prises de position comme ça qui permettent aux gens de prendre un peu de recul puis de se dire, ah, ben voyons que ça sort. Est-ce que tu as voté cette fois-ci? Oui, j'ai voté. Ah, quand même. Paradoxalement, ouais, j'ai été. Oui. Non, c'est comme je disais à des amis, il faut pas. Ils savent très bien d'ailleurs. Faut pas toujours prendre ce que je raconte dans mes chansons pour du cash, quoi. Ben, Fait que c'est ça. oui, j'ai exercé mon droit de vote. Ceci dit, il y a bien des gens comment dire, qui savent pas trop pourquoi voter, puis qui ont tout simplement pas le goût d'y aller ou quoi que ce soit. Puis moi, en tout cas, je pose pas de jugement moral. Je porte pas de jugement moral sur ces gens-là, quoi. Je comprends le mot aussi de pas y aller, quoi. Que ce soit pour des raisons philosophiques ou des raisons, comment dire, d'indifférence, quoi. Donc, mon oncle Serge a voté. Donc, il faut. Les gens qui sont attentifs à ta carrière leur ont remarqué que tes chansons sont toujours justement ironiques, c'est toujours second degré. C'est drôle, j'avais cru, en entendant la chanson, je te dirais, j'étais certain que c'était qu'il n'y avait pas d'ironie, c'était vraiment le premier degré et c'était Oui, vraiment. c'est pas une chanson comique non plus. Puis je l'ai voulu comme ça parce que moi, j'avais. En même temps, finalement, j'ai fini par peser, comment dire, le pour et le contre. Et j'ai fini par y aller en me disant que bon, tu sais, si je vais pas, puis je sais pas, moi, que les libéraux qui passent dans, ou la CAQ qui passe dans mon comté, ben, tu sais, je vais avoir regretté de pas y aller, quoi, tu sais. Puis bon, voilà. Mais ça correspond pour vrai à une tentation chez moi, à quelque chose que j'envisageais de faire. Puis, à un moment donné, quand je fais des tournes, moi, j'aime ça, tu sais, à prendre un point de vue, puis y aller à fond, puis pas me dire, tu sais, là, je le présente, tu sais, de façon nuancée, puis là, je dis le pour, le contre, puis non, tu sais, j'y vais à fond, puis je dis, tu sais, la raison pour laquelle j'irai pas voter, c'est ça, puis je le présente, puis je fais pas de nuance, puis je le fais, puis je trouve ça trippant faire ça. Tu sais, je trouve que l'art permet ce type de liberté-là. Puis je l'ai pas voulu comme une toune ironique non plus. Tu sais, tu l'écoutes, la toune n'est pas. Je suis pas en train de joker, quoi. Je suis pas en train de rigoler quoi, dans la chanson, même si la toune n'est pas super sérieuse non plus, quoi. Puis, quelle a été la réaction de tes fans? Mon oncle Serge sort une toune abstentionniste juste à quelques jours avant les élections. Sur Facebook, là, j'ai cru comprendre que ça avait pas mal brassé. Donc, quelle a été la réaction? Ouais, ben, c'est ça, on peut lire sur Facebook. Écoute, moi, j'ai lu les réactions à la fois des gens qui disaient, bon, enfin, quelqu'un prend le crachoir, puis... tu sais, décide de pas, comment dire, de faire son coming out abstentionniste, décide de pas adhérer au système, puis de, etc. Puis t'avais, bon, les autres avec leur litanie habituelle. Bon, il y a des gens qui se sont battus pour ça, puis tatatatata, puis c'est notre devoir, puis nanana, puis bon. Puis moi, je suis quelque part entre les deux, tu sais, puis je laisse ça aller. Je suis pas vraiment intervenu non plus. J'ai laissé le débat faire rage sur ma page, puis. Quelque part, je trouve ça le fun aussi qu'il y a un débat sur mon profil Facebook, tu sais, qu'il y a autre chose que LOL, puis tu sais, même t'es sur la coche, puis tu sais, quand est-ce que tu viens jouer à Sherbrooke, puis ce genre d'affaires-là. Là, tu vois, je dis, ah, ben, tu sais, j'ai déclenché quelque chose quand même qui est pas inintéressant. Alors, voilà. Mais il n'y a pas justement quelque chose, là, on dirait, mon oncle Serge, là, dis-moi là si je me trompe, si je m'égare, mais on dirait qu'il y a une sorte de glissement là, depuis quelques temps là, dans la carrière de mon oncle Serge, qui se dirige plus vers peut-être des sujets graves, des sujets politiques. Là. Je pense justement à la toune Pelado, notamment, là, qui offre une vision là, assez sombre d'un futur là, un peu dominé par Québécois. Est-ce que c'est vraiment un glissement qui est constaté ou... En tout cas, j'ai plus envie de revenir à des tunes plus acoustiques, puis plus avec puis un propos plus sociopolitique aussi que ce que j'ai fait dans mes derniers albums. Ça, c'est assez marqué dans mes dernières tunes, puis je pense que je vais garder cette direction-là pour les prochains morceaux que je vais écrire. Là, tu vois, je suis en train de travailler sur un morceau là sur le hockey présentement. Là, j'ai fait une tune sur le hockey, mais vu d'un point de vue social, tu sais, l'engouement que suscite le hockey, puis tout ça, bon, je vais peut-être meilleur sortir le morceau sur mon site, là, peut-être avec le début de la saison de hockey. Puis ça me tente aussi de revenir à ça. Moi, tu sais, j'ai écrit des chansons sur des thèmes d'actualité pendant bien des années, pendant 3-4 ans à CIBL, et puis j'ai plus ou moins délaissé ça... au début des années 2000, parce que bon, à un moment donné, je trouvais que j'avais fait un petit peu le tour, puis j'étais un peu tanné, puis j'ai commencé à faire autre chose, quoi. Des tunes plus rock, là, des chansons toujours humoristiques, là, mais qui n'ont pas nécessairement d'emprise sur l'actualité. Puis là, ça me chicote, là. J'ai l'impression que depuis la crise étudiante, puis les élections, puis tout ça, puis l'an passé, aussi, la déconfiture du bloc, tout ça, j'ai l'impression qu'on est en train tranquillement de changer de période de l'histoire, puis ça, j'ai l'impression que les acteurs se renouvellent, les situations sont nouvelles, puis tout ça, puis ça, là, je me dis, ah ben tiens, là, je pourrais me remettre à faire des tunes un petit peu plus axées sur l'actualité et la politique sans être redondant, quoi. Ah, c'est intéressant, c'est ça, t'as employé le mot un retour, c'est ça ce que tu faisais plus au début de ta carrière à CIBL. Aussi, au début de ta carrière, tu avais un groupe qui s'appelait les corps de rouge qui faisait des reprises de chansons françaises. Puis j'ai l'impression aussi qu'il y avait un petit peu un retour, il y a une petite influence encore vieille chanson française, notamment dans la chanson Godasse, là, qui était en fait une valse, là, vraiment. Oui. Ah, mais t'es tombé là-dessus. Godasse, c'est une chanson que j'ai écrite pour l'anniversaire d'un type dont le surnom est Godasse. Puis c'est un organisateur de show metal dans le coin de Trois-Rivières. Je suis allé chanter pour sa fête. Puis, oh, c'est vraiment une toune inspirée là, des chansons des années 30, 40, 50, des tounes des frères Charles, ah oui. Là, puis tout ça. Là, voilà. Ah, c'est intéressant. Donc, un retour vers l'acoustique, vers peut-être un peu aussi le propos à engager, quelque chose de plus politique. Dis-moi, là, mon oncle Serge, si Tu étais dans un système parfait. Si tu étais un magicien et que tu voulais avoir la démocratie parfaite, ce serait quoi pour toi? Hey boy, c'est une excellente question. Je ne sais pas, j'ai vu hier un système dont j'avais jamais entendu parler sur Internet. Mon Dieu, j'ai pas la référence du site en question. C'est un site québécois où on présente en parallèle trois systèmes comment dire, de vote différents. Il y a celui du Canada, celui des Pays-Bas, celui de l'Australie. Puis en Australie, il y a quelque chose, il y a une composante bien intéressante dans la mesure où quand tu vas voter, il faut que tu mettes un numéro à chacun des candidats qui indique ton ordre de préférence. Comment est-ce que mon oncle Serge a passé sa soirée hier soir? Est-ce que tu as suivi ça? Est-ce que tu as mangé ça devant un bol de chips? T'as écouté ça devant un bol de chips? Comment t'as passé ça, ta soirée? Ah, moi, je n'ai pas écouté du tout la télé ou la radio. J'ai regardé vers 11 h les résultats sur le site du DGE, directeur général des élections. Puis on avait les résultats à mesure par circonscription. Puis je suis très déçu que les libéraux aient pas mangé une plaque sérieuse. Je suis vraiment très déçu de ça. Même avec tout ce qui s'est passé, ils réussissent à avoir quand même, quoi, ils ont quoi, 50 députés, quelque chose 48, je sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir qu'il se passe pour qu'ils se fassent passer de là plus sérieusement, même, en tout cas, dans ces livres. Donc, mon oncle Serge, on passe maintenant à une section questions en rafale. Donc, je te pose des questions fermées. Tu réponds avec un mot ou quelques mots. Ça va? OK. Allons-y. Donc, on parle toujours de politique. Selon toi, quel est le meilleur parti? C'est pas pour ça que j'ai voté, mais je dirais Québec solidaire. Québec solidaire. Quel est le pire? Ah, oh, mon Dieu. Le Parti conservateur du Québec. Oui, et ces affiches louches. Ton ou ta politicienne préférée? J'aime beaucoup Kadir, à vrai dire. Ouais. Quel philosophe préféré? Rousseau, Marx ou Hobbes? Hobbes. Hobbes, OK. Oui. Et quel commentateur politique est le plus toxique? Oh boy! Il y en a un qui s'appelle Samson dans le Journal de Montréal, là, qui est particulièrement redoutable. Là. Ça, je dirais lui, là, spontanément. Merci beaucoup, mon oncle. Ça fait le tour de mes questions. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire, peut-être, pour les abstentionnistes et les non-abstentionnistes? Ah, écoutez, que vous soyez abstentionniste ou pas, vous pouvez aller voter pour ma chanson abstentionniste sur mon site web. Donc, vous allez à mononcle.com, MONONC.com, ou sur Google Mononcle Serge, vous allez le trouver, puis il y a un lien. Voilà, alors, paradoxalement, je demande aux gens de voter pour la toune qui dit de pas voter. En tout cas, faut bien s'amuser dans la vie. Super, merci beaucoup, mononcle Serge. À la prochaine. Merci à toi, bye. Ciao.